Les Espaliers, de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les Espaliers. D'énormes espaliers tendaient des rameaux longs, où les fruits allumaient leur chair et leur pléthore. Pareil, dans la verdure, à ces rouges ballons qu'on voit flamber les nuits de kermesse sonore. Pendant 20 ans, malgré l'hiver et ses grelons, malgré les gels du soir, les givres de l'aurore, il s'était accroché aux fentes des moellons pour monter jusqu'au toit, monter, monter encore. Maintenant, ils couvraient de leur largeur les murs, et sur les pignons hauts et clairs, poires et pommes, bombaient superbement des seins pourprés et mûrs. Les troncs géants crevaient partout, suaient des gommes, les racines plongeaient jusqu'au prochain ruisseau, et les feuilles luisaient comme des vols d'oiseaux. Fin de Les Espaliers.